Stéphane Fortin et tout le personnel de Dolbo Auto remercient leur distinguée clientèle pour leur encouragement et leur soutien pendant l'année qui se termine. Et profite de l'occasion pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes et vous incite à la prudence pendant ces moments de grande réjouissance. Dolbo Auto au 1770 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-0580 et n'oubliez pas également de consulter notre page Facebook. Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. Monsieur Ghislain Lamotte et tout le personnel de Construction Unibec remercient sa clientèle et vous souhaitent une très belle période des fêtes. Construction Unibec, c'est un entrepreneur général qui œuvre dans le domaine de la construction résidentielle, commerciale et industrielle. C'est aussi un moteur économique pour Dolbeau-Mistassini avec plus de 125 employés. Construction Unibec, 1041 rue des Peupliers, Dolbeau-Mistassini, 418-276-4140, www.unibec.ca. C'est la fin de l'année et qui dit fin d'année, j'aime toujours, c'est un exercice que j'aime toujours faire, c'est de faire le bilan de ce qui a marqué 2017 dans le monde du sport. Qu'est-ce qui a été le plus marqué? Et toutes les années, on appelle les gens d'influence communication pour savoir un peu qu'est-ce qui a marqué l'année 2017. Et on va parler avec le grand patron cette fois d'influence communication, Jean-François Dumas. Bon matin, Jean-François. Bonjour. Jean-François, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi influence communication, moi, évidemment, je suis au courant de tout ça, sauf que les gens, j'aimerais que vous me rappelez si ça ressemble à quoi influence et qu'est-ce que vous faites dans la vie, comme vous pourriez dire. Oui, au quotidien, notre travail à nous, c'est d'écouter et regarder les journaux, écouter la télé puis la radio et de rapporter à nos clients tout ce qui se dit sur eux dans les médias. Donc, c'est de la revue de presse et aussi de faire l'analyse, donc d'analyser tout le contenu médiatique pour rapporter à nos clients comment ils sont perçus, c'est quoi leurs forces, faiblesses et principales critiques à leur endroit. Au quotidien, là, c'est comme ça qu'on gagne notre vie. Puis une fois par année, et parce que pour faire ce travail-là, on a besoin de colliger puis surveiller 100% du contenu dans les médias ou à peu près. Et pour faire ça, donc, une fois par année, on décide de rendre public différentes observations, différentes statistiques gratuitement au public en leur expliquant comment les médias se sont comportés cette année. OK. Et moi, ce qui me... Parce que ça a sorti avant, c'est sûr qu'au moment où on enregistre l'entrevue, ça a été enregistré peu avant la période des fêtes. Donc, au moment où on met en ligne, il y a un décalage. Mais ce qu'on a appris la semaine dernière, c'est qu'on a parlé 20% de moins du Canadien. Est-ce que ça explique un peu le fait que, en 2016, le Canadien avait été... je me rappelle plus ce qu'il était, mais ça explique là-dessus que le Canadien qui a fait juste une ronde en série... Ça expliquerait ça un peu? Ben oui, en 2016, d'abord, le Canadien a connu une de ses meilleures années. Oui, la seule fois que le Canadien avait surpassé ce poids média-là, c'était en 2010, année durant laquelle le Canadien s'était quand même rendu assez loin aussi. Donc, le Canadien, pour vous donner une idée, c'est presque 9% de tout ce qui s'est passé dans les médias en 2017, malgré le fait qu'ils aient perdu 20% de leur poids dans les médias. Ça reste quand même l'entreprise, le thème, le sujet à peu près le plus discuté dans l'ensemble des médias chez nous au Québec. En 2017, presque 58% de tout le sport au Québec, c'était juste le Canadien. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de S à sport, il y a un sport, c'est ça. En comparaison, en Ontario, eux, 40% à peu près, autour de 40% de ce qui se fait dans le sport, c'est le hockey de la Ligue nationale. Donc, c'est pas juste les Maple Leafs, c'est pas juste les Sénateurs, c'est la Ligue nationale en général. Au Québec, 58% du sport, c'est une équipe, c'est le Canadien. Ça démontre à quel point c'est fort. Et plus que ça, quand le Canadien est éliminé des séries, là, tout à coup, on perd 66% de notre intérêt pour le hockey. Donc, ce que ça dit, tout ça, c'est que c'est pas le Canadien qu'on aime, c'est pas le hockey qu'on aime, c'est l'émotion qu'on vit à travers le Canadien. Si le Canadien joue à pétanque, on serait tous des fans de pétanque. Hey, mais quand on dit là, que les gens, là, puis moi, ce que je reproche aux médias au Québec, c'est que, tu sais, qu'on parle du Canadien, c'est correct qu'on parle du Canadien, mais comment que de médias, M. Dumas, vous me corrigez si j'ai tort, qui des fois inventent des affaires, puis analysent ce qu'ils ont inventé? Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire. inventent oui, des rumeurs, puis après ça, analyse ce qu'ils ont inventé. On va voir ça de plus en plus souvent, cette tendance-là, avec la montée de médias parallèles. Il y a des sites Internet qui sont pas des médias traditionnels reconnus, et mais qui sont sérieux quand même, mais il y en a d'autres qui ne sont pas du tout. Et vous n'avez pas besoin de chercher bien loin, vous promenez, puis vous voyez un paquet de sites qui dit à peu près n'importe quoi, et font l'analyse de leur n'importe quoi après, ça fait qu'ils pondent leur propre contenu et en font l'analyse par la suite. Malheureusement, ça, vous allez en voir de plus en plus, c'est aux gens qui nous écoutent de faire leur choix ensuite, puis de se dire, hey, c'est pas crédible ce site-là, ça donne rien de perdre mon temps là-dessus. Ouais, effectivement, 58% du sport au Québec, c'est là qu'on voit hein, quand même que, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se retravailler, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, quand on dit, les gens qui disent ça, ben ils disent parce que c'est le Canadien, c'est vendeur, mais est-ce que c'est le Canadien qui vend ou c'est les médias qui imposent ça puis que les gens s'intéressent pas, c'est quoi votre opinion là-dessus? C'est sûr que s'il y avait personne pour lire ce contenu-là puis l'écouter, les médias en livreraient pas. Bon, on s'entend là-dessus. Donc, il y a des gens qui sont au rendez-vous. Cependant, il y a un équilibre à y avoir. Dans les 50 personnes... Tu sais, on a vécu cette année une période de dénonciation dans les cas d'harcèlement et d'agression sexuelle. Donc, on s'était dit, tant mieux, on va faire de plus en plus de place aux femmes dans l'actualité. Dans les 50 gens les plus médiatisés en 2017 au Québec, il y a juste deux femmes. Mais il y a 30 joueurs de hockey entraîneurs de la Ligue nationale dans les 50 premiers. Quand on pense que Arturi Lehkonen, Jordy Benn sont tous dans le top 50. C'est-à-dire, il y a des joueurs de quatrième trio qui sont sur le top 50 et la plupart des ministres du cabinet Couillard le sont même pas. Alors, c'est le déséquilibre. Et il faut que vous compreniez aussi que moi, je suis un grand amateur de sport. Je suis un fan de hockey. Puis d'ailleurs, je suis originaire de Québec. Fait que pour moi, les Nordiques jouent sur la route depuis 1995. Le problème, c'est que à chaque fois qu'on accroît notre intérêt pour le Canadien, on diminue, parce que le journal n'est pas plus épais, puis les journées ont encore 24 heures, donc on est obligé, les médias diminuent leur intérêt pour des sujets liés au tissu social, la pauvreté, la violence chez les jeunes, etc. Et par conséquent, le jour où on va avoir une deuxième équipe qui va venir au Québec, ben on fera pas deux fois plus de hockey, mais on va en faire plus. Et pour en faire plus, ben il va falloir couper ailleurs. Parce que on fait bien plus de hockey aujourd'hui qu'on en faisait quand les Nordiques jouaient dans la Ligue nationale. Toute proportion gardée, c'est encore plus important. Donc, il va y avoir un prix social à payer si jamais ça arrive. Oui, ça serait le fun comme fan de hockey, mais comme citoyen, je pense qu'il faut être prêt à payer ce prix-là. Ah, c'est sûr. Mais moi, je pense qu'à quelque part, c'est l'œuf et la poule. Hein. Si tu n'entends pas parler, les gens s'en intéresseront moins, et ainsi de suite, là. Donc, le 42%, il reste quoi? Il reste l'Impact, il reste les Alouettes, le sport amateur, Eugénie. Eugénie, pour l'entendre parler, là, parce que pour avoir un média, à poigne encore. On dit ce qu'on voudra, là, Eugénie, même si c'est 83e au monde, Eugénie, ça reste Eugénie. Oui, mais Eugénie, elle est loin cette année, c'est pas une bonne année pour elle. C'est l'Impact qui arrive deuxième. Les Alouettes ont une très mauvaise année, c'est en bas de 1% du sport. Le hockey, la Ligue nationale, les autres équipes arrivent également. Donc, le top 3 est composé le Canadien, mur à mur, et dans un peu de ce qui reste, ben, il y a l'Impact et les autres équipes de la Ligue nationale. Et là, regardez bien, là, on va entrer dans une année olympique, et regardez bien à la fin de l'année, il n'y a pas un athlète olympique qui va faire le top 50 des gens les plus médiatisés. Ouais. C'est fou. Même pendant une année olympique. Même Eric Gay, même Alex Harvey, même... Ces gens-là vont arriver dans... Tu sais, lors des derniers Jeux olympiques, le record pour un Olympien, je me souviens plus de son nom, mais le record pour un Olympien en termes de médiatisation, je pense que c'était le 54e rang. Mais tous les joueurs du Canadien étaient dans le top 50. Et monsieur... Alors, il faut juste être conscient de ça. Puis encore une fois, tu sais, vous passionnez pour le sport, moi aussi... Je dis pas que c'est pas intéressant, c'est pas pertinent de faire du sport. C'est juste que quand on en fait outrageusement comme ça, on passe à côté d'affaires importantes. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça comme citoyen? Je pense que les médias traditionnels changeront pas d'eux-mêmes. Je pense qu'on a une responsabilité comme citoyen de diversifier un petit peu plus nos sources d'informations. Oui, c'est le fun le sport, c'est le fun le hockey, mais quand vous avez besoin d'avoir un peu plus d'informations, d'aller lire d'autres sites Internet, d'aller écouter d'autres stations de télé, c'est drôle parce que quand j'étais jeune, il y avait juste 3 postes de télé au Québec. Aujourd'hui, on en a à peu près 800, mais on écoute encore juste 3 postes de télé. Donc, on est des bêtes d'habitude, puis on diversifie pas ben nos sources d'informations. Et je pense que la solution passe, entre autres, à travers ça. OK. Dites-moi, évidemment, ça comprend-tu les médias sociaux? Ça comprend-tu tout? Non, ça, c'est à part les médias sociaux. Okay. Quand on analyse, c'est amusant parce que, bon, c'est sûr que dans les médias sociaux, il faut comprendre qu'il y a des tendances, il y a des groupes qui s'affichent. Dans les médias sociaux, on analyse les principaux mots-clics du Québec. Le mot-clic de sport le plus médiatisé cette année, ce n'est pas le Canadien, c'est l'Impact. Ah, OK. Donc, les fans de l'Impact ont été plus virulents, plus loquaces, ils ont été plus bruyants sur Twitter. Ensuite, dans les mots-clés de sport au Québec, c'est Paul Biron, Paul Byron qui arrive en deuxième, l'Impact TVA Sport, Radulov et Price. Donc, vous avez le palmarès des mots-clés les plus populaires en lien avec le sport. Oui, il y a l'Impact, mais on s'entend qu'à travers ça, il y a beaucoup, beaucoup de hockey du Canadien. Ça intéresse les gens, c'est normal. On sait que ça intéresse les gens. Les gens sont au rendez-vous. La preuve des médias traditionnels, les animateurs racontent que lorsqu'ils arrêtent de parler de hockey, les codes d'écoute diminuent. C'est sûr. Sauf que les gens ne sont habitués qu'à ça. C'est de là la difficulté, notamment pour l'Impact, d'essayer de percer puis d'aller chercher des parts de marché médiatique. Mais, quelque part, dites-moi, l'adage qui dit que quand vous avez une fermeture, vous avez une mauvaise nouvelle, que le gouvernement doit donner une mauvaise nouvelle, c'est d'attendre que Marc Bergevin fasse de quoi, c'est vraiment vrai. Je peux vous dire, je ne veux pas vous dévoiler de secrets auprès de certains de clients en particulier, mais de façon générale, vous allez comprendre, lorsque le Canadien fait une transaction, immédiatement dans la minute, on appelle nos clients. Et on leur dit, c'est une très bonne journée pour les mauvaises nouvelles. Ben, ils comprennent. Ça s'est déjà arrivé que vous l'avez, qu'ils ont suivi votre conseil, puis que ça a-tu arrivé? Ça arrive à chaque fois. Incroyable. Et il y a des organisations qui ne sont pas clientes chez nous et qui font la même chose. C'est pas de mentir aux gens, c'est de savoir comment ça fonctionne. Les journalistes font la même chose. Prenez par exemple, il y a quelques années, lorsqu'il y avait eu beaucoup de révélations sur la corruption au Québec, comme par hasard en été, les révélations de corruption chutaient de 88%. C'est pas parce qu'il n'y avait plus de crottés au Québec, c'est juste parce que les journalistes ne voulaient pas brûler des bonnes nouvelles en été pendant que personne n'écoutait. Donc, autant les médias que les gens qui gèrent les communications jouent avec ces flots-là d'informations. Faut juste savoir que ça existe et reconnaître ces comportements-là. Incroyable. Ben, toujours intéressant, M. Dumas. Je vais vous souhaiter une très bonne année. C'est toujours le fun. Puis, bonne année et beaucoup de prospérité pour votre entreprise en 2018. C'est gentil. Puis, une bonne année à vous et à tous les gens qui nous écoutent. Jean-François Dumas d'Influence Communication.